la mio là. Ça prend pas deux. Ça fait 20 minutes qu'il passe. Oh mais ça va ça. Nous avons des problèmes dans les studios, non? Et qu'est-ce que ça? Sound system. Système Galaxy, fréquence 95-30 ou sur le live.galaxyfm.com si tu profites de nos programmes sur internet. Welcome, bon réveil, c'est Jérémy, il est 10h. Merci d'être connecté à la phase B de Sound System, comme chaque dimanche entre 10h et midi. Le concept 100% interactif, tu m'envoies ton mix dans la semaine, j'écoute, ça me plaît, et c'est peut-être diffusé le dimanche entre 10h et midi. 4 nouveaux mix rétro à découvrir cette semaine, avec pour nous accompagner jusqu'au câble des midi, Rod 241, G59, la diffusion d'un set de DJ Georges enregistré lors d'une soirée rétro au Pulse Factory le 12 avril 2009, ça se passera à 11h30. Mais pour démarrer notre émission cette semaine entre 10h et 10h30, c'est Jibo qui s'y colle aux platines de Galaxy. Tu restes calé Sound System. Good weekend. On Galaxy. Galaxy. Sound system. System Galaxy, la phase B, le concept 100% interactif, avec à l'instant le mix rétro de DJ Jibo depuis 10h ce matin. Tu peux faire comme lui, m'envoyer ton mix rétro préparé et enregistré dans ta chambre, directement en un clic sur internet www.soundsystem-mix.fr. J'écoute, ça me plaît, c'est peut-être diffusé dimanche prochain entre 10h et midi dans un autre Sound System. D'ici là, on passe au second DJ de la matinée, c'est Rod241 qui t'emmène sur la planète Rétro Trans. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour la suite de l'émission. Sound system. Yeah. System Galaxy, la phase B. On arrive à mi-parcours de l'émission. Il est 11h et tu viens d'écouter le mix au Retro Trance de DJ Rod241 que tu retrouves sur internet, notamment sur Facebook, en un clic, alias Rodrigue Gonzalez. N'hésite pas à l'ajouter en tant qu'ami, Rodrigue Gonzalez sur Facebook, Rod241. Il se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de tes questions, notamment si tu fais partie de la catégorie Gros Boulet No Life qui se pose des questions existentielles sur la techno aux alentours de 3h30, 4h du matin sur Facebook. Tu n'hésites pas, Rodrigue Gonzalez sur Facebook, un ami essentiel. 11h sur Galaxy, l'un de mes chouchous tout de suite au platine, retour du mix au rétro avec J59. Et on se retrouve tout à l'heure pour la diffusion du mix au rétro de DJ Georges, enregistré au Pulse Factory le 12 avril. Tu restes calé, Sound System. Sound System. Sound System, La Face B, Fréquence 95-30 ou sur le live.galaxyfm.com si tu profites de nos émissions sur Internet. N'hésite pas à te connecter également sur Facebook ou sur le site web de l'émission www.soundsystem-mix.fr et m'envoyer des commentaires en direct. Il est 11h30, merci à J59 pour son mix. Place au dernier mix au rétro de cette matinée. C'est celui de DJ Georges, enregistré lors d'une soirée rétro au Pulse Factory le 12 avril pour nous accompagner jusqu'au Cap des Midis. Even more, no telling where we will be next. Sound system. We'll be right back. System Galaxy, la phase B, on s'approche de la fin de notre émission avec ce set mixé par DJ George et enregistré lors d'une soirée rétro au Pulse Factory le 12 avril 2009. Merci d'être connecté sur la phase B de l'émission Sound System depuis 10h ce matin avec Jibo, Rod241, J59 et DJ George encore pendant quelques minutes. Je te laisse en compagnie de toute l'équipe de la radio. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux autres Sound System. Le samedi entre 8h et 10h pour la phase A et le dimanche entre 10h et midi la phase B de Sound System, le concept 100% interactif. Tu as toute la semaine pour m'envoyer ton mix rétro. J'écoute Sam Pelé. C'est peut-être diffusé dimanche prochain entre 10h et midi, la phase B de Sound System. D'ici là, tu passes d'excellents moments à l'écoute de la radio. Encore quelques minutes avec DJ George, tu restes calé Sound System.